parce que la série événement de cet été, c'était clairement Stranger Things. Surprise inattendue à la saveur 80s hautement appréciable. Pourtant boudée par plus d'une dizaine de chaînes et de producteurs, c'est juste avant de baisser les bras que Netflix va donner carte blanche aux deux frères réalisateurs et créateurs de la série. Ils ont façonné cette série fantastique et nostalgique qui est avant toute chose un vibrant hommage aux films des années 80 et plus particulièrement aux productions Amblin qui sont maintenant cultes. On reconnaît donc des clins d'œil assumés à E.T., aux Goonies, à Stand By Me, mais aussi à des films plus différents comme Alien et The Thing, toute la filmo de Carpenter aussi. En effet, la série ne se contente pas de se dérouler dans les années 80, elle respire les années 80, elle transpire les années 80 et sa pop culture. J'insiste sur ce point car c'est ce dosage parfait de nostalgie et d'idéalisation d'une époque qui rend le tout à la fois authentique et planant. C'est après une longue exposition de jeux de rôle entre pré-ados que l'intrigue s'impose. Un des jeunes est visiblement traqué et disparaît au milieu de la nuit. Le jeu de rôle devient alors grandeur nature. La mère de cet enfant disparu porte le show à bout de ses bras fébriles. Cette mère prête à tout est rongée par la paranoïa et manque de sombrer dans la folie à la suite de la disparition de son fils. Cette femme incroyable, on ne l'a pas vue depuis des années, c'est une star des années 80 évidemment. Il s'agit du grand retour de Winona Ryder. On angoisse avec elle, on frémit avec elle et on est ravi de retrouver cette actrice qui avait déserté les plateaux. C'est d'ailleurs la seule tête connue du casting car on découvre un groupe d'enfants absolument inconnus mais excellents. Notamment Millie Bobby Brown qui campe le rôle de la jeune mystérieuse Eleven. C'est simple, on n'a pas vu une telle découverte de talent depuis Henry Thomas de E.T. ou Sean Astin des Goonies. Un petit bémol, et c'est le cas de le dire, sur la musique. Étrangement, je ne suis pas du tout satisfaite du choix esthétique, parce qu'utiliser des synthétiseurs pour dater une musique 80s, ça a l'élégance et l'inventivité d'un anniversaire chez McDo. C'est ringard. C'est ringard. Ils mettent en musique les pires souvenirs des BO des 80s, à savoir l'absence de thématique et la déshumanisation des synthés. En fait, la musique est tout simplement en dessous du niveau général de cette série qui est rythmée, flippante, prenante et perturbante, mais au cœur tendre. Dans tous les cas, la réalisation et le jeu des acteurs est tellement impeccable que même avec un kazoo et deux ukulélés, on obtiendrait la même tension. Bref, une série à voir et même à revoir tant elle est riche. Et la bonne nouvelle est tombée en début de semaine, Netflix a commandé une saison 2. Ah, merci Léa. Merci, ouais. En tout cas, ça donne envie de regarder. Ouais.